le nom du site et nous dire comment ça se passe si on souhaite réserver une soirée particulièrement agité avec les autruches et cette perspective d'Halloween, Mehdi. Oui, Daniel. Donc, l'adresse, le site internet qu'on donnera dans quelques instants. Mais avant ça, on va parler également avec Laurette de ce qu'est l'autruche de Laurette, ce site, cette ferme. Comme on l'a dit, Laurette, vous préparez des événements, notamment pour Halloween. Mais pour les personnes qui n'étaient pas avec nous ce matin, Laurette, est-ce que vous pouvez nous parler de cette ferme, l'autruche de Laurette, ce que c'est exactement, ce que vous proposez comme produit ici? L'autruche de Laurette, c'est une petite ferme quand même où on exploite 180 hectares en Marcillé, en bordure de La Rochelle. Il y a 4 salariés, on fait des céréales. Les céréales servent à nourrir les animaux. Et les animaux, donc on en élève 200 par an. On a des reproducteurs, on ramasse les œufs l'été, d'avril à septembre, et ensuite on les fait naître et on les élève pendant un an. Au bout d'un an, on a un abattoir sur place à la ferme pour vendre tous les produits de cet élevage, issus de cet élevage. Et puis Laurette, on voit également, vous avez une petite boutique ici, très belle boutique, bien décorée, avec tout un tas d'objets que vous vendez, notamment des petites peluches, et puis il y a aussi du cosmétique que vous proposez ici. Oui. Voilà, en fait, l'huile d'autruche, ça a des vertus anti-inflammatoires, c'est très cicatrisant, ça pénètre bien dans la peau, c'est très hydratant, c'est un anti-ride naturel. On s'en sert comme des oméga 3, 6, 7 et 9, en fait. Il faudrait en manger, comme l'huile de foie de morue ou les poissons gras, vous savez, il faut manger du poisson, du saumon. Donc, c'est très bon pour la peau parce que ça cicatrise et il y a plein d'intérêts. Moi, je m'en sers comme une crème de jour tous les matins. Et je dirais même que ça se voit. C'est gentil, merci. Et du coup, ça cicatrise et c'est bon pour la peau. Voilà. Donc du coup, on en a fait des produits cosmétiques. Donc la graisse, c'est des pannes de graisse qu'elles font sous le vent. Tout le monde me dit, elles doivent avoir froid, vos autruches. Mais non, quand elles sont grosses, après, elles se constituent, elles mangent de l'orge. Ça leur fait du gras sous le ventre et ça leur fait un petit matelas bien douillé. Ce qui fait que du coup, elles n'ont pas froid chez moi l'hiver, puisqu'elles sont habituées. Mais par contre, nous, quand on a l'animal, on essaye de récupérer tout sur l'animal. C'est pas un élevage intensif, on est bien dans une vente au détail de produits locaux. Et du coup, on fait la viande et la graisse pour la transformer en crème de jour. Le site internet, Daniel, autruche-2-de-lorette.com. Vous avez toutes les informations et notamment les réservations possibles pour ce repas du 27 octobre et puis de tous les événements, les ateliers Halloween sont à retrouver sur ce site. Merci infiniment, Lorette. Merci de m'avoir reçu tout au long de cette journée ici. Je vous encourage vivement et pleinement à aller lui rendre visite. Vous ne serez pas déçus. Et demain, Mehdi Bayaya, autre destination et d'autres aventures à vivre dès le 6-9 d'Éric Morgan sur France Bleu La Rochelle. Nous sommes tels des autruches en train de renifler le sentier qui va nous ramener jusqu'à notre ambassadeur ou ambassadrice qui nous attend, c'est un homme, précisons-le. Ce sera un petit peu avant 17h, un lieu où se trouve un événement que nous allons célébrer, une actualité, mais où sommes-nous? En Charente ou Charente-Maritime. Premier indice, j'ai vu le jour en 1842. On joue cette semaine pour se qualifier pour la grande finale de vendredi qui vous enverra dans un circuit mythique pour un stage de pilotage. Peut-être Le Mans, peut-être Manicourt, je choisirais. C'est une smart box pilotage et frissons. Roselyne nous rejoint depuis Angoulême. Bonjour Roselyne. Bonjour Daniel. Il pleut toujours à Angoulême ou ça se calme? Pardon? Il pleut toujours chez vous à Angoulême ou ça se calme? Ah oui, il y a des averses, oui, effectivement. Oui. Ouais, ça tombe pas mal. J'ai vu le jour en 1842, Roselyne. Vous me proposez... Alors, oui. Je dirais le pont suspendu de Tonnet-Charente. Le pont suspendu de Tonnet-Charente, qui enjambe donc la Charente. Écoutez, vous connaissez le système, on a acheté à prix d'or une machine qui est en fait un révélateur, donc on va vous brancher directement sur la machine pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'elle nous dit la machine. Elle nous dit ce n'est pas le pont suspendu de Tonnet-Charente. Pourquoi vous l'associez à 1842, ce pont? Vous avez fait des recherches? Oui, voilà, ça correspondait. Ben oui, c'est... il faut pas trop donner d'indices dès le départ parce que sinon, voilà. Donc, et oui, c'est trop facile. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que vous pouvez venir sur l'antenne proposer. Ça peut être ça aussi parce qu'on a eu des réponses très rapides. C'est déjà arrivé. Ouais. Et surtout rappeler derrière. Donc c'est, voilà, donc ça vous permet effectivement d'augmenter vos chances. Donc peut-être à tout à l'heure, Roselyne, si vous avez notre idée, vous êtes la bienvenue, bien évidemment. Ok, merci. Un autre indice tout de suite pour vous permettre d'avancer dans vos recherches, à moins que nous ayons une autre proposition. Non, on n'a pas d'autre proposition. C'était la même proposition qu'on allait nous faire, effectivement. Je suis une des premières salles à accueillir des spectacles cinématographiques au début du XXe siècle. Oh ! Ben oui ! Des spectacles cinématographiques en ce jour des sorties cinéma. Je suis une des premières salles à découvrir et à accueillir des spectacles cinématographiques au début du XXe siècle et j'ai vu le jour en 1842. Où sommes-nous ? C'est une salle, hein, bien évidemment, mais où est cette salle ? À vous de le dire. 05 46 50 67 68. Together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? C'est le son des Cool and the Gang sur France Bleu Rochelle avec Cherish. Une smart box que vous gagnez cette semaine en jouant avec nous au jeu de l'énigme. Des indices pour vous permettre de remonter jusqu'à la piste de notre ambassadeur qui nous attend pour célébrer un événement, un lieu en Charente ou en Charente-Maritime. Smart box, pilotage et frissons, stage de pilotage dans les circuits prestigieux tels que Le Mans ou Manicourt. Des indices que je vous donne, j'ai vu le jour en 1842 et je suis une des premières salles à avoir accueilli des spectacles cinématographiques au début du XXe siècle. Il s'agit donc d'une salle qui peut faire office encore de cinéma ou pas, allez savoir. Mais en tous les cas, elle a été une des premières dans notre région à accueillir des spectacles cinématographiques, comme on les appelait à l'époque, au début du XXe siècle. Continuez à rechercher ardemment ce lieu où nous avons rendez-vous avec notre ambassadeur tout à l'heure. Et nous allons repartir maintenant en musique avec un ami de la maison, Christophe Willem, qui continue à tourner en rond, mais je suis sûr qu'il va trouver la direction sur France Bleu. Petit cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Christophe Willem chante Je tourne en rond sur France Bleu La Rochelle. On joue ensemble dès 11h sur France Bleu La Rochelle. David Morel. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour jouer à Objectif 5 points. Et cette semaine, France Bleu La Rochelle vous offre votre instrument de musique. Jouez de 11h à midi cette semaine et gagnez un bon d'achat de 350 euros valable dans tout le magasin Blanchard Musique situé dans la zone commerciale de Saint-Georges-des-Coteaux. Blanchard Musique, c'est le vrai spécialiste conseil en instruments de musique de la région. Alors n'hésitez pas, tentez votre chance et à très bientôt pour jouer ensemble à Objectif 5 points. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ?

Feeling, chanté Justin Timberlake sur France Bleu La Rochelle. Un bon feeling également avec nos artistes régionaux qui viennent jouer dans les conditions du direct. Ça fait plus de 25 ans que ça dure cette histoire. Hein. C'est pas prêt de s'arrêter. Nous sommes avec un jeune Oléronais qui a vécu aux Antilles et qui a posé sa guitare et sa planche de surf sur la lumineuse île d'Oléron. Il s'appelle Joao. Je lui cédais la parole et j'ai surtout le laissé jouer avec ses musiciens. Salut, c'est Joao. Pour ce troisième titre de la semaine, ce sera Colors. Et j'ai le plaisir et, que dis-je, l'honneur d'être accompagné par Benjamin Gasling à la basse et Tom Bénard à la batterie. C'est que du plaisir et c'est pour vous. De la nouvelle scène, artiste Charentais-Maritime installé sur l'île d'Oléron. Il s'appelle Joao, à retrouver sur France Bleu La Rochelle demain à la même heure, mais également à partager sur l'appli ici. Les artistes sont chez eux sur France Bleu La Rochelle. Chez toi, bien, retrouvons Claudio Capéo et Slimane maintenant. Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant in machina, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines, et si c'était plus belle. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? C'est pas vrai, mais je t'aime quand même. Tout nous séparera, ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. C'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Belle histoire, Claudio Capéo, Slimane sur France Bleu La Rochelle. Chez toi dans un instant, le dénouement, notre jeu de l'énigme, mais surtout notre ambassadeur qui nous attend. On va savoir où il se trouve, le coquin, juste après ça. Vous l'avez vécu sur France Bleu La Rochelle. Peut-être à tout à l'heure midi, hein, François, pour d'autres infos. S'il y a de la brioche. Allez, adieu. Vous êtes réussi, Jean-Luc. Vous êtes pas mal. Je suis pas mal plus, non plus, hein. Non, je pense qu'on va faire un joli coup. Je dirais que vous n'avez plus de temps. Et vous vous ressemblez. Moi, j'y dirais à dans la maître yoga. Ouais, bah, vous savez ce qu'elle vous dit, la guenon, hein? Quatre petits déjeuners qui vous sont offerts. Et bien la brioche. France Bleu La Rochelle, c'est bon pour le moral. Quand vous écoutez ça. Classique rock. Quand vous montez le son avec ça. Classique rock. Quand vous remuez la tête sur ça. Vous écoutez France Bleu, Classic Rock. Classic Rock sur France Bleu, chaque dimanche dès 22h. Au terme de notre jeu de piste, nous avons géolocalisé, j'en suis sûr, notre ambassadeur que nous allons retrouver dans un instant. Avant tout cela, écoutons les indices du jour. J'ai vu le jour en 1842. Je suis une des premières salles à accueillir des spectacles cinématographiques dès le début du XXe siècle. Nous accueillons tout de suite Christophe de la Bretonnière. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Daniel. Qu'est-ce que vous me proposez, Christophe? Je propose la coursive. La coursive, la scène nationale de La Rochelle, effectivement, vieux bâtiment, ça pourrait coller avec 1842, une des premières salles à cuire des spectacles cinématographiques. Ça peut coller, écoutez, on va laisser le soin à notre machine de trancher. Qu'est-ce qu'a dit la machine? Ouais. Elle n'est pas contente, la machine. Hein. C'est pas la coursive de La Rochelle là, qui a été successivement marché de, au poisson. Il y a une prison même à une certaine époque. Mais bon, en tous les cas, ce n'est pas la coursive. Désolé, Christophe. Oh. Vous revenez dès que vous avez une autre idée, peut-être demain sur une autre série de questions. On vous embrasse, Christophe. Merci de votre fidélité. On accueille tout de suite Claudine qui est à Vérine. Bonjour, Claudine. Bonjour, Daniel. Claudine, pardonnez-moi. J'ai vu le jour en 1842. Je suis une des premières salles à accueillir des spectacles cinématographiques au début du XXe siècle. Qu'est-ce que vous proposez, hein? Le cinéma Le Palace de Surgères. Ah, ben écoutez, on va voir avec la machine. Qu'est-ce qu'a dit la machine? Eh ben la machine a dit oui. Incroyable. Vous y êtes allé direct ou vous avez fait des petites recherches? Vous êtes allé. J'ai fait des recherches. Ah, vous avez fait des recherches. Alors, effectivement, le cinéma Le Palace de Surgères, nous allons dans un instant pour accueillir le tout nouveau directeur. C'est plus de 80 ans d'histoire du 7e art. Mais tout ça avait commencé bien avant, dès le début du 19e siècle. C'était un marché hein, qui occupait le rez-de-chaussée de ce grand vaisseau de pierre que vous avez peut-être vu à Surgères, avec à l'étage une salle de justice et une salle des pas perdus. Et vers 1842, le théâtre va rentrer à l'étage. Il va côtoyer l'économie avec une salle de la bourse. Un incendie va dévaster les halles à la fin du 19e siècle. Il va épargner le premier étage, donc le théâtre. Voilà, après je ne vous fais pas la liste de tous les événements. Début du 20e siècle, cette salle éclairée au gaz est alors le seul lieu qui accueille des spectacles. En 1913, des bancs amovibles sont installés pour pouvoir transformer cette salle polyvalente et accueillir les premiers spectacles cinématographiques. Bravo Claudine, félicitations. Merci. J'inscris votre nom et tirage au sort vendredi pour gagner cette Smart Box pilotage et frissons qui vous permettra de suivre des cours de pilotage, faire des tours dans des circuits prestigieux tels que Le Mans ou Magny-Cours. C'est vous qui choisirez. C'est un cadeau unique, une expérience France Bleu La Rochelle. Félicitations Claudine. Hein. Merci beaucoup. Allez, on file. Ah. Au revoir. Nous filons justement au Palace. Pour accueillir Jérôme Vagnon, qui est le nouveau directeur de ce palace, qui souhaite travailler dans la continuité. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Quelle histoire pour ce bâtiment, hein, ce palace de Surgères, incroyable. Mais on s'inscrit dans la durée, hein, dans ce lieu, parce que on va saluer quand même votre prédécesseur qui vous accompagne jusqu'à la fin de l'année, Bruno Mabi, qui a 32 ans de direction. Donc c'est quand même à saluer, hein. Oui, complètement. Et puis Bruno, il est quand même à l'origine, c'est un peu le monsieur cinéma de Surgères. Et puis il est à l'origine effectivement dans les années 90, dans les années 2000 même, des premiers spectacles et d'une programmation culturelle en spectacle. Bon alors vous êtes passé par la bibliothèque à Lyon-Pardieu, vous êtes arrivé à La Rochelle, vous avez travaillé à la médiathèque Michel Crépeau, à la création du Fonds Sonore aussi, vous êtes allé à 500, vous avez participé à la création de la bibliothèque, vous êtes devenu directeur de l'Agora, et là vous êtes devenu le programmateur culturel cinéma-spectacle à la Baline, et là vous prenez donc la direction du cinéma et surtout du palace avec 14 spectacles programmés, 11 concernent la musique de près ou de loin. C'est vrai que la musique est très très présente dans cette programmation. Oui, cette année c'est particulier. Elle est un peu plus présente que les années précédentes parce qu'on a eu aussi quelques contraintes par rapport à la technique. On avait choisi quelques pièces de théâtre, mais il s'est avéré qu'elles ne rentraient pas sur le plateau pour des raisons techniques, donc on a dû faire des choix. Donc cette année, effectivement, il y a une coloration un peu plus musicale. Alors, il y a aussi des développements du palace, et notamment le dispositif Petite Ville de Demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Ça, c'est un dispositif que l'État a mis en place. Et effectivement, la communauté de communes de Surgères a s'inscrit dans ce projet-là, dans l'éventualité ou dans la faisabilité d'une extension ou d'un agrandissement du palace. Ça, c'est un projet qui est en cours. Trois salles, peut-être? Donc l'idée, effectivement, après une étude, c'est qu'il y ait trois salles de cinéma et une salle de spectacle. Incroyable, il n'a pas fini de se développer ce palace à Surgères, formidable. Des projets, oui, vous en avez, notamment, vous aimeriez proposer plus de spectacles autour des arts de la rue, de la danse? Oui, alors l'idée, c'est effectivement, là, pour l'instant, on fait beaucoup de choses à l'intérieur du palace, sur son plateau. On fait aussi des spectacles hors les murs pour la jeunesse, les enfants. Et on aimerait bien tenter l'expérience de la rue, des arts de la rue, ou du théâtre pour plus grand, mais aussi en extérieur. Ouais. Avec notamment des concerts. D'aller sur ouais, salles. Ouais, c'est ça. Et puis aussi peut-être d'organiser des concerts debout, hein, en salle ou en extérieur. C'est ça aussi l'idée de prolonger cette culture. dans la continuité. Ça, c'est quelque chose qui tenait beaucoup à M. Mabi et à Bruno, d'essayer l'expérience à l'extérieur, des concerts debout, ou de la danse en extérieur, ou des arts de la rue en extérieur. Voilà, l'opportunité a dû se présenter peut-être plusieurs fois. Ça s'est fait certainement sur des festivals ou même sur des temps forts. Mais voilà, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur aussi. Donc, on aimerait essayer l'expérience. Nous sommes avec Jérôme Vagnon, le nouveau directeur du cinéma, enfin du cinéma, du Palace, hein, salle de cinéma, salle de spectacle, effectivement, lieu de convergence de la culture à Surgères en Charente-Maritime. L'idée aussi, c'est de rendre accessible à peut-être un nouveau public, à être davantage présent dans les établissements scolaires, en partenariat également. Pour l'instant, je vous avouerai sincèrement que tous les établissements scolaires, publics ou privés, sont extrêmement présents, ils sont très demandeurs des dispositifs autour du cinéma ou du spectacle en collaboration avec le Palace. On a beaucoup, beaucoup de demandes et on a beaucoup, beaucoup de jeunes enfants qui viennent au spectacle et au cinéma. Ça, c'est vraiment une des forces et des richesses du Palace. C'est cette belle collaboration qu'il a pu mettre en place avec tous les établissements sur le territoire. Avant de se quitter, Jérôme Vagnon, juste un coup de cœur. Allez, un spectacle à ne pas rater. Chez vous, je sais qu'il y en a beaucoup, mais là, allez, le conseil du chef, s'il vous plaît. Un spectacle proposé très prochainement chez vous, dans vos murs. Le prochain, c'est Yom. Voilà, c'est un clarinettiste qu'il ne faut pas louper, parce que c'est actuellement l'un des plus grands clarinettistes français, au niveau du jazz et puis de la maison un peu de la musique un peu... planante, et c'est vraiment la personnalité qui explore toutes les musiques autour de la clarinette et des sons de la clarinette. Et là, sur son dernier album, il est extraordinaire. C'est une musique planante, envoûtante. Voilà, c'est une musique qui réchauffe les cœurs. C'est jeudi 23 novembre. C'est le 7 novembre. Ah oui, mardi 7 novembre, pardonnez-moi, ouais, j'avais un peu d'avance là. Mardi 7 novembre à 20h30, Alone in the Light de Yom Anpate. Donc, et puis, rendez-vous bien évidemment sur le site internet lepalace-surgères.fr pour avoir l'intégralité de la programmation. Merci d'avoir été là cet après-midi avec nous, Jérôme Vagnon. Merci beaucoup, merci à vous. Repartons musique avec un souvenir qui nous plonge dans les années 80. Dana Dawson, Romantic World. Après vos infos de 17h, on va évoquer la Transat Jacques Vabre avec notre skipper Aymeric Chapelier qui se prépare à prendre le départ. Ce sera juste après vos infos de 17h sur France Bleu Roche. guitare romantique de Dana Dawson sur France Bleu La Rochelle. Dès 9h chaque matin, prenez la parole sur France Bleu La Rochelle. Droit, santé, conso, exprimez-vous, témoignez sur les sujets de notre quotidien. On vous écoute et on vous répond chaque jour entre 9h et 10h. France Bleu La Rochelle, à votre service. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu La Rochelle, partenaire du banc de la distillation les 3 et 4 novembre dans le Grand Cognac. Pour cette première édition, concerts, spectacles, visites et rencontres sont au programme pour partager passion et savoir-faire. C'est quelque chose, faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Le banc de la distillation, première édition les 3 et 4 novembre à Cognac et ses environs. Un événement France Bleu La Rochelle à vivre en famille. Plus d'infos, francebleu.fr et sur l'appli ici. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu La Rochelle. Et ici en Charente, Charente-Maritime, un bel après-midi qui se poursuit avec nous. Merci de votre fidélité, il est 17h. Les infos. Le Flash, c'est avec vous, Cécile Lacosta, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un projet d'achat immobilier. Le gouvernement va augmenter et élargir le prêt à taux zéro à partir du 1er janvier. Son montant global passe de 80 000 à 100 000 euros. Ce prêt concernera 210 villes supplémentaires en France, dont quelques-unes chez nous, 12 villes en Charente-Maritime, dont La Rochelle, La Tremblade, Étré, Vaux-sur-Mer, entre autres. On vous a mis la liste complète des communes concernées sur francebleu.fr. De Charentais interpellés ce week-end au Pays Basque à la frontière franco-espagnole avec une lourde cargaison dans leur voiture, 400 kilos de résine de cannabis, 68 kilos d'herbe et surtout 23 kilos de kétamine, un anesthésique puissant, saisi record. Une information révélée par la Charente Libre confirmée par France Bleu. Les deux trentenaires originaires d'Angoulême étaient bien connus déjà des services de justice. L'enquête est désormais remise aux enquêteurs bordelais de l'Office français anti-stupéfiants. 8 aéroports régionaux français évacués aujourd'hui. Après des alertes à la bombe et des menaces d'attentats par mail, Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Beauvais, Nantes, Pau et Biarritz. Des vérifications sont en cours dans certains aéroports, conséquence de gros retards sur certains vols, en particulier à Nantes, où certains avions sont détournés vers Poitiers. Des alertes à la bombe qui se succèdent aussi depuis ce week-end au château de Versailles. Nouvelle évacuation des lieux ce matin, c'est la troisième depuis samedi. Le bilan des victimes françaises en Israël augmente encore. 24 morts, 7 disparus, plusieurs probablement retenus en otage dans la bande de Gaza par le Hamas. C'est le dernier bilan donné aujourd'hui par Elisabeth Borne après l'attaque terroriste du Hamas en Israël. La bande de Gaza, où au moins 400 personnes sont mortes dans la frappe d'un hôpital hier soir, Israël et le Hamas se rejettent la faute. Le président américain Joe Biden est sur place. Selon lui, des données américaines disculperaient Israël. Eux veulent réclamer la paix au Proche-Orient. Associations et syndicats comptent se réunir ce soir à Angoulême à partir de 18h. Rassemblement interdit ce matin par la préfecture pour des risques de troubles à l'ordre public. Les organisateurs font un recours en urgence auprès du tribunal administratif de Poitiers et espèrent pouvoir se mobiliser malgré tout ce soir. La Rochelle veut mieux gérer ses déchets. Une réunion publique sur le sujet est prévue ce soir à 19h, salle de l'oratoire. Au menu des échanges, l'évolution du ramassage des ordures dans l'hypercentre de La Rochelle. En 2025, plus de ramassage des poubelles au porte-à-porte. Il faudra jeter ses sacs poubelles dans des conteneurs enterrés. Ce soir, la ville va détailler la mise en place de cette mesure. Sport, rugby, un nouveau visage dans les rangs du SA15. Mais un visage que vous connaissez peut-être, celui d'Aquila Taboualevu. Le trois quarts fidjien troque son maillot jaune et noir du Stade Rochelais, enfilé le temps de la Coupe du Monde pour combler les trous dans l'effectif. Il signe au SA15 pour jouer le joker médical de Maxime Laforgue, touché au genou. Annonce faite aujourd'hui par le club charentais. La météo 100% locale avec les établissements Durand, Caséo, vos spécialistes depuis plus de 35 ans sur Saint et Royan en protection solaire, menuiserie, portail, volet et véranda. Quel temps fait-il ? Ou fera-t-il surtout ? Alors, nous avons alternance de nuages, de pluie, d'éclaircies. Ça s'améliore pour cette fin de journée. Pour demain, Météo France nous annonce une journée qui démarre avec un ciel bien nuageux, des averses encore, qui se produiront le matin. Dans l'après-midi, le risque restera toujours présent. Le vent est là toujours, hein, avec des rafales autour des 65 km/h. Un vent de sud-ouest assez fort jusqu'à la milieu de journée. Les maximales du matin, 14 degrés, ce sera le cas à La Rochelle, 21 degrés pour Jarnac l'après-midi. Le 16-18 France Bleu La Rochelle, Daniel Gimeno. Avec ce vent, nous allons prendre le large dans un instant pour retrouver un homme qui s'apprête à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre à bord de son trimaran réalité. Aux côtés du Vendéen Fabrice Caillé, c'est bien sûr notre skipper Rochelet Aymeric Chapelier qui nous attend dans quelques jours. Il prendra le départ depuis Le Havre pour ce parcours de 5800 milles en direction de Fort-de-France. Là, Jacques Vabre, on en parle avec vous ce soir sur France Bleu La Rochelle après les souvenirs et Eurythmics pour le son qui arrive maintenant sur France Bleu La Rochelle. Le 16-18 France Bleu La Rochelle avec Présence Verte, votre téléassistance. Contactez-nous par téléphone ou sur www.présenceverte.fr. Just Be an Angel, chanté Annie Lennox avec Dave Stewart, Eurythmics, et puis un harmoniciste de talent, hein, Stevie Wonder, sur ce titre. Allez, prenons la direction du Havre. Pour saluer notre skipper Rochelet, Aymeric Chapelier, qui est avec nous en direct. Bonjour Aymeric. Bonjour. Bonjour, on va parler de la Transat Jacques Vabre. Ça s'approche, le départ, si les conditions météo sont favorables, toujours pareil. Mais bon, ça devrait le faire. On va parler de votre bateau. Mais je voudrais que vous m'expliquiez, avant toute chose, Aymeric Chapelier, quel est le point commun qui vous unit à Laurent Voulzy ? Ah, avec Laurent, ça a été le parrain d'un de mon dernier bateau, pas celui-là, mais celui d'avant, sur Classe 40 AENA Enfance et Avenir, dont Laurent était aussi le parrain de l'association AENA, que je supportais dans mes voiles. Voilà, le petit parallèle. Oui, cette belle association AENA Enfance et Avenir qui donne des foyers à plus de 55 orphelins. Et voilà, c'est un engagement qui est de longue date pour vous, hein, concernant cette association. Ah oui, oui, c'est une association que effectivement j'ai suivie pendant plus de 3 ans, même 4, et que je suis toujours, où je participe juste financièrement à aider, et puis en parler un petit peu. C'est une association, oui, qui a des classes et des crèches solidaires à Madagascar et autour de Antananarivo, qui est la capitale de Madagascar. Parfait. Donc un skipper engagé et engagé dans cette Transat Jacques Vabre. C'est votre cinquième déjà, hein ? Exactement, ça sera le départ de ma cinquième Jacques Vabre. Donc hâte d'être au départ, même si en ce moment les conditions météorologiques, comme vous pouvez le constater, ne sont pas au beau fixe. On attend, on commence à regarder un petit peu les conditions qui vont avoir lieu vers le 29 octobre pour savoir un peu à quelle sauce on va être mangé. Parce que là c'est dans cette Transat, il y a effectivement deux points d'orgue. C'est dans ce parcours, il y a le fameux le golfe de Gascogne, terrible. Et puis il y a ce poteau noir. Qu'est-ce que vous redoutez le plus ? Bah déjà, le départ, c'est souvent parce que quand on part en conditions hivernales, en manche, il y a du trafic maritime, il y a du courant, les plus grands forts coefficients en plus qui auront lieu le 29, la mer, le vent, les cailloux. Donc, le démanchage et le dégolfage sont souvent les d'entrée de jeu les cols hors catégorie. Et puis après, effectivement, on a un deuxième partie qui est un peu délicate, qui est le poteau noir, la zone de convergence des deux hémisphères nord et sud, qui fait une zone d'instabilité météorologique avec des grains puissants et des zones de pas de vent. Mais on va dire que le point de départ est souvent déjà un bon gros morceau de la Transat. On est déjà content qu'on est en face du Portugal. C'est clair, c'est clair. Un parcours très élogieux pour vous, Aymeric Chapelier. Deuxième de cette Transat en 2017, deuxième de la Route du Rhum en 2018, vainqueur du défi Atlantique en 2019. Quelles sont vos ambitions sur ce nouveau défi ? Alors, c'est vraiment un nouveau défi, c'est une nouvelle équipe. Un bateau qui a été mis à l'eau récemment, grâce à une équipe fantastique qui a réussi à tenir les délais, parce que voilà, c'est un des gros projets. Et nous, on navigue en double ou en solitaire, mais sans équipe, on n'est pas grand-chose. L'objectif quand on s'aligne sur une ligne de départ avec un bateau récent, c'est déjà d'arriver. Mais si tout va bien, on va essayer d'aller chercher la victoire. Avec votre coéquipier, le Vendéen Fabrice Caillé, donc qui est à vos côtés. Hein. Exactement, Fabrice, ouais, qui est... qui est le skipper du bateau. Ouais. Moi, je suis le co-skipper. Et comme le bateau a été mis à l'eau, hein, on va dire tardivement, au courant juillet, on n'a pas eu non plus énormément de temps pour le cialiser, pour avoir du temps de navigation ensemble. Mais bon, ce qu'on a pu voir avec la confrontation avec les autres bateaux, c'est que on a quand même un bateau qui est fiable et qui va vite. Donc on a hâte d'y être. Dites-moi votre bateau réalité. Et alors expliquez-moi, c'est quoi le Sistership Coesio ? Alors, le bateau, en fait, c'est des bateaux qui ont été tirés du même moule. Ah ouais. Fabrice était à l'origine du premier, qu'il a finalement vendu à Erwan Leroux, Coesio, qui a gagné la dernière Route du Rhum. Ah donc, ouais. C'est un bateau qui est très performant. Et où nous, on a fait 2-3 évolutions en plus pour essayer de combler les petits défauts qu'il pouvait avoir. Donc, on a entre les mains une machine intéressante et qui peut être. Qui peut être très très rapide. Donc maintenant, on va voir si on a eu le temps de suffisamment la fiabiliser et puis bien l'utiliser. Donc il y a encore un nouveau défi. Mais bon, c'est un programme qui va durer sur 4 ans. Donc faut pas se précipiter. Les courses au large, ça se gagne avec de l'expérience, avec du temps, de la fiabilisation. Mmh. Donc voilà. C'est pas Yannick Verstappen qui vous dira le contraire. Il était parti sur un bateau, un ancien, qu'il a eu le temps de fiabiliser grâce à ça. Exactement. Donc, la fiabilité sur les bateaux et quand les conditions sont difficiles est souvent une preuve, une façon de gagner les courses. Voilà. Éric Chapelier, on a parlé de vos engagements avec l'association qu'on évoquait et votre rapport à Laurent Voulzy. Donc, vous avez l'association AINA, Enfance et Avenir, c'est ce que je cherche le nom. Oui, alors donc le groupe immobilier Réalité, très actif en Charente-Maritime, partage aussi des convictions qui sont les vôtres, notamment au niveau de l'écologie. Bien sûr. En plus, pour la petite anecdote, c'est que le groupe Réalité était un de mes partenaires quand j'étais navigué sur le bateau AINA. C'est parti des 4-5 partenaires. Donc c'est une continuité. Et en plus, c'est vrai que maintenant, on a aussi un message avec Réalité, alors qui n'est pas l'association AINA, mais qui est Planet Warrior, qui sera un fonds de dotation pour la captation du carbone à froid, pour essayer effectivement de réguler les émissions de CO2. Donc c'est un fonds de dotation pour essayer de trouver des solutions. Voilà. Très bien. Bon, que va faire Aymeric Chapelier cette semaine et la semaine prochaine avant le départ de la Jacques Vabre? Eh bien, il va fêter son anniversaire. Ah bah oui. Ça se rapproche, Aymeric, le 26. C'est ça. Mais ça va être doucement, en famille, tranquillement, parce qu'on sera déjà à 3 jours du départ, donc ouais, ça risque d'être assez calme. Peut-être que le champagne, ça sera pour l'arrivée là-bas, à Fort-de-France, on l'espère en tout cas. Et la victoire, c'est ce qu'on vous souhaite. Aymeric Chapelier, merci d'avoir été en direct avec nous et bonne transat. On vous suit de près, bien évidemment, sur France Bleu La Rochelle. Ben, merci à vous, bonne journée. France Bleu La Rochelle, partenaire de Polar, le festival du 19 au 22 octobre à Cognac. Ciné, littérature, BD, théâtre, plongé dans l'univers sombre et mystérieux du polar à travers projections, tables rondes, rencontres et dédicaces. Comment j'ai trouvé, monsieur ? Mais c'est très simple. Polar, le festival, du 19 au 22 octobre à Cognac, c'est un événement France Bleu La Rochelle. Plus d'infos, francebleu.fr et sur l'appli ICI. Et là, clang, schlag, t'as les gladiateurs qui attaquent les Gaulois. Wow. Mais eux, eh ben, ils se laissent pas faire. Clang, paf, bling, c'était fou, je te jure, papa. Ah ouais, dis donc, c'est impressionnant. Et après, il y a aussi une course de chars, avec un char qui explose. Boum. T'en fais pas un peu trop, là? Non. D'accord. On va vous prendre pour un fou. Pendant les vacances, le Puy du Fou crée l'événement avec la Frérie de la Toussaint, son grand festival de l'automne. Profitez de vos billets à moins 20% sur puydufou.com. Puy du Fou. Offre soumise à condition. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. France Bleu. Con la mia bandiera il luviore che si spanna ogni istante rausole in ogni giocco di campana si per me l'alto vanale a mio strada mio fontana o la mia bandiera o la mia bandiera ti regola la mia bandiera in ogni chi corre, illusa abbraccia un mare, in aianna di albore, si per me a stella ardente, guida di un messe in bulore, o la mia bandiera, o la mia bandiera, ti prego la mia bandiera, in ogni monte scolpito, non di là. Non di Gaspar, non di per me la scorsa vita di l'arburo sembra rito o la mia bandiera o la mia bandiera di nuovo la mia bandiera in un pianto di l'uccello in la mano che si porta in la risa di un zitello si la mia antica culana a mio bramo si per me l'ultimo anello un mio rano un mio viaggio con la mia bandiera con la mia bandiera ti vedo la mia bandiera in un vecchio campo santo in un vasto di amore in la rima di un mio canto si per me l'eterna braccia sa Voce 22 avec Jennifer sur France Bleu La Rochelle. Nous prenons à présent d'une certaine façon la direction d'Angoulême où se déroule ce week-end un événement majeur. Angoulême se livre, le festival du livre. Une centaine d'auteurs vous y attendent et parmi eux vous retrouverez Karen Ponte et ses romans Feel Good. Le tout dernier vient de paraître, Noël en péril à Saint-Allée de Sapin. Et l'autrice est avec vous à votre micro, Chloé Bidet. Bonjour Karen Ponte. Bonjour. On a le plaisir de retrouver vos personnages, Pauline et David, et leur chien Pilou, dans cette nouvelle aventure qui est un petit peu comme un top 3 du coup de précédents romans autour de Noël. Oui, c'est ça. C'est une, moi, je dis une saison 3, puisqu'en fait, c'est une histoire qu'on peut lire hein, de manière indépendante, mais qui reprend les mêmes personnages que la saison 1 et la saison 2, dans ce même village de Santal et de Sapin, issu tout droit de mon imagination. Donc, on retrouve effectivement voilà, les personnages qui ont beaucoup plu aux lecteurs dans de nouvelles aventures. Avec quelques changements, forcément, qui vont venir bousculer le quotidien de nos personnages. Qu'est-ce qui va leur arriver dans ce nouveau livre ? Alors, dans cette histoire, ils sont aux prises avec une usine du village qui risque de fermer parce que le propriétaire vient de décéder. Et le repreneur qui se présente prévoit, lui, de transformer les produits fabriqués qui étaient des boîtes à musique en de la dinde de Noël en pâte à tartiner dans des tubes de dentifrice pour étaler sur de la voilà du pain comme ça et dans un village qui adore Noël évidemment ça passe pas bien cette histoire de nourriture un peu lyophilisée comme ça et donc ils vont se mobiliser pour essayer de récolter des fonds pour racheter l'usine et pouvoir la sauver. Et pour racheter des fonds, ils vont faire des tas de choses plus rocambolesques les unes que les autres. Et vont-ils y arriver ? C'est toute la question. Et c'est le livre à lire avec un chocolat chaud, tranquillement à la maison. Mais on va pouvoir venir vous voir ce week-end à Angoulême, puisque vous serez au Festival Angoulême. Ce livre, Karen Ponte, sur les deux jours. Comment c'est justement ces dédicaces quand le livre vient tout juste de sortir ? Là, il est sorti au début du mois. Est-ce que c'est toujours un moment un petit peu excitant, redouté ? On est dans les premières critiques ? Comment ça se passe ? Oui, alors on est très, effectivement, comme on est au tout début, il y a à la fois les lecteurs qui sont hyper impatients, évidemment, d'avoir le livre, et puis il y a ceux qui l'ont déjà lu, puisque certains se jettent dessus dès la sortie. Donc on a les tout premiers retours. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu à part, parce qu'en plus, ce roman-là, moi, je l'ai écrit il y a quelques mois déjà. Donc en fait, il est vieux pour moi. Et donc je récupère voilà ces personnages-là que j'ai laissé déjà depuis un petit moment. Donc c'est un vrai moment un peu à part. Et les lecteurs sont tellement impatients de ces comédies de Noël. Ils ont tellement hâte de revoir ces personnages qu'ils ont laissé il y a 3 ans déjà, puisque la saison 2 était il y a 3 ans. Oui. Donc voilà, je suis ravie de leur présenter ce roman et de les voir se jeter dessus. Merci Karen d'avoir été avec nous sur France Bleu. Merci à vous de m'avoir invité. Noël en péril, la Santa, les deux sapins. Et retrouvez bien évidemment l'autrice Karen Ponte en dédicace ce week-end à Angoulême. Angoulême se livre à l'espace Franquin, un événement gratuit. Dans un instant, c'est Émilie Mazoyer qui nous rejoindra pour sa sélection d'infos musicales à ne surtout pas rater, avant de la retrouver ce soir en grand format avec comme invité Vincent Delerme à 19h. Mais avant tout ça, le son de Billy Joel. Notre région, côté loisirs et sorties, se dévoile dans le 16-18 France Bleu La Rochelle. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Frequently kind, and she's suddenly cruel. She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Belle pépite, le son de Billy Joel qui nous ramenait dans les années 70. She's always a woman. Une femme, justement, qui nous informe sur la musique, et c'est un grand plaisir de l'accueillir. Émilie Mazoyer est avec nous. On va notamment parler du Soldat Rose. Salut, Émilie. Salut tout le monde. Émilie au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça. La reine Catherine Ringer, autrice, compositrice et chanteuse de génie en solo ou avec son groupe culte les Rita Mitsouko. On lui souhaite évidemment le meilleur pour son anniversaire et je vous souhaite d'aller l'applaudir sur scène avec son nouveau spectacle L'érotisme de vivre, mélange savoureux de lecture de poèmes et de chants autour des textes d'Alice Mendelssohn. Ça parle de désir, de plaisir, du temps qui passe et du corps qui exulte ou pas. Catherine Ringer investit des théâtres partout en France. Prochaine date à Angers le 19 novembre, à jouer les tours le 11, et pour les Parisiens, il faudra attendre l'an prochain.

Ici, mercredi, jour des sorties cinéma dans tous nos cinémas de Charente et de Charente-Maritime, le Lido à Royan, l'Apollo 8 Ciné à Rochefort, les CGR d'Angoulême et de La Rochelle ou encore l'Atlantique Ciné de Saintes propose une année difficile, la dernière aventure du duo magique Éric Toledano, Olivier Nakache. Film sociétaux s'il en est, le handicap avec Intouchable, quel succès, l'autisme plus récemment, et là donc deux thématiques qui vont se percuter, le chemin associatif de jeunes militants écolos et deux surendettés, Albert et Bruno, campés par Pio Marmaille, Jonathan Cohen. Et pour l'activiste écolo, la formidable Noémie Merlant. Écoutons un petit bout de la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, bah on est à la ruche. J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, hein, c'est un traquenard. Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite. Nous, on est vraiment venu pour parler justice sociale avec mon copain, là. Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît? T'es prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Ah. Pourquoi t'as mis ton shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact, là? Ah oui, je sens l'impact. Bon. Ah, t'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Ça fait que le monsieur est passé, là. On fait une sensibilisation sur la crise climatique. Est-ce que t'as l'air d'abord? Mais sérieux? Je vois bien qu'il y a un truc entre toi et moi. Il se passera rien entre nous. Si je suis pas pressé, je peux t'attendre. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. J'aimerais pousser un cri d'alarme. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort. Hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Une année difficile, c'est aujourd'hui. Sur tous les écrans. Alors, à l'affiche également, Mathieu Almaric, que vous avez entendu en début de bande-annonce. Éric Toledano était passé dans les studios de France Bleu, dans l'émission Décibel d'Émilie Mazoyer. Je vous propose de réécouter un extrait qui est assez parlant par rapport à la thématique évoquée dans ce film. C'est donc l'histoire. Ce sont deux histoires qui se rencontrent et qui n'étaient pas forcément faites pour se rencontrer. Hein. Celle de Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui tous les deux vivent un enfer, okay, dont on parle pas souvent, qui est le surendettement, oui, mais qui est un vrai sujet qui a pas beaucoup été abordé au cinéma ni d'ailleurs enfin à la télé. On parle pas tellement du surendettement. Non, c'est une vraie spirale. C'est ouais, une vraie spirale, le surendettement. C'est quand voilà, on a une capacité de remboursement qui est inférieure à ce qu'on gagne. Voilà. Et que on commence à être un peu sous l'eau, à descendre en dessous de la ligne de flottaison. Ça concerne des dizaines de milliers de personnes chaque année en France. Et effectivement, c'est un contexte social, comme souvent dans les films qu'on propose. Et ils croisent la route de Noémie Merlant et de ses amis, qui sont Objectif Terre. Donc c'est une association écolo qui fait des actions un petit peu spectaculaires pour essayer d'éveiller les consciences, dire aux gens, mon Dieu, le monde est en train de cramer. Alors ils ont des petits surnoms rigolos, ils s'appellent Quinoa ou Cactus, oui, entre eux. Comme dans les vraies associations, c'est-à-dire ouais, c'est un principe dans... Bon, nous, on a été évidemment enquêté sur à la fois le surendettement et à la fois les mouvements activistes comme ouais, ça de pro-climat, et il y a souvent bon, nous c'est Extinction Rébellion là qui nous ouais, a accueillis. Il y a souvent un surnom, un pseudo pour pas avoir de préjugés ni social ni culturel ni identitaire. Ouais. Voilà. Et alors c'est drôle parce que qu'est-ce qui vous a donné envie de les mettre ensemble dans une même histoire? Parce que souvent nos politiques, j'allais dire les politiques, mais c'est les nôtres, on les a élus après tout, nos politiques essayent de renvoyer dos à dos. C'est-à-dire que quand on dit non mais il faut faire plus pour l'écologie, on nous dit ouais non mais attendez, déjà il y a des gens, vous allez pas leur demander d'abandonner leur bagnole, ils sont suffisamment dans la merde, voilà. Et là vous les avez mis ensemble. Ben Peut-être parce qu'on a l'impression que le périple est de plus en plus gros, et ça on l'a vu avec les derniers étés qu'on a passés, et qu'on a l'impression que si on ne se met pas ensemble, on va forcément dans le mur, puisqu'on y va de toute façon un peu dans le mur, mais qu'il faut qu'on danse ensemble, un peu comme on va en parler avec la musique bientôt. Et puis surtout, c'est une réflexion presque métaphysique sur le plein, le vide, le plus, le moins, ceux qui sont dans la consommation, la surconsommation, et puis ceux qui sont dans la décroissance, le minimalisme. C'est un mouvement qui nous paraissait assez représentatif de notre époque, qui se pousse un peu au début du film, parce que le film démarre par un Black Friday et c'est des militants qui empêchent des consommateurs de rentrer. Et c'est cette espèce de mouvement qui nous intéresse. Ceux qui disent « ne m'apprends pas à vivre » et les autres qui disent « tu ne peux plus vivre comme ça ». C'est une photographie de l'époque. Éric Toledano, micro à Décibel d'Emily Mazoyer. Retrouvez l'intégralité de l'émission d'ailleurs sur l'appli ici. Et allez vous faire une idée, une année difficile, c'est actuellement au cinéma. On se rapproche de Halloween. Je vais vous proposer de fêter Halloween d'une façon particulière. Ce samedi 28 octobre, nous allons nous retrouver sur les chemins de l'angoisse. Dans un cadre naturel, un patrimoine botanique exceptionnel composé de différents jardins. Il y a bien sûr des serres tropicales, des cactés, une vallée musicale aquatique, un immense lac, des lotus d'Asie. C'est unique sur la côte atlantique. Nous sommes à Saint-Cyr en Talmondet. C'est donc le lieu, ce parc floral qui existe depuis plus de 40 ans sur 10 hectares et qui propose donc les chemins de l'angoisse de 20h à minuit, voire plus. C'est une balade nocturne avec une forêt lugubre pleine de personnages terrifiants. Attention, c'est à déconseiller aux jeunes enfants. Je vous offre donc cette soirée de samedi 28 octobre. C'est à peu près une heure de route de La Rochelle, Saint-Cyr en Talmondet, en Vendée. Ça se fait gentiment dans un week-end. Bon, alors on va jouer avec un morceau qui évoque aussi une nuit d'Halloween, une nuit sauvage. Ce sont les avions qui chantent un tube des années 80. J'ai enlevé un mot dans cette chanson. Vous êtes le ou la plus rapide à nous appeler au 05 46 50 67 68 et vous repartez avec vos deux invitations. Je danse et sur la piste d'une boîte à musique, elle se balance. Mirage, otage, mirage, otage. 05 46 50 67 68. Appelez-nous maintenant pour nous donner la bonne réponse et partez samedi 28 octobre pour cet événement Halloween, les chemins de l'angoisse. Ça se passe dans ce formidable parc floral unique sur la côte atlantique à Saint-Cyr en Talmondet. C'est en Vendée. Salut, c'est Joao. On se retrouve cette semaine tous les jours à 16h40 dans la nouvelle scène sur France Bleu La Rochelle. Sur France Bleu La Rochelle, le meilleur de vos artistes régionaux. France Bleu La Rochelle, partenaire du banc de la distillation les 3 et 4 novembre dans le Grand Cognac. Pour cette première édition, concerts, spectacles, visites et rencontres sont au programme pour partager passion et savoir-faire. C'est quelque chose, il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Le banc de la distillation, première édition les 3 et 4 novembre à Cognac et ses environs. Un événement France Bleu La Rochelle à vivre en famille. Plus d'infos, francebleu.fr et sur l'appli ici. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que

Autre petit conseil, votre ordinateur, il aime pas trop la chaleur. Gardez-le dans un endroit frais. Si c'est un ordi portable, évitez de l'utiliser sur le lit ou sur le canapé, même si je sais qu'on y est bien. Ne l'utilisez pas non plus à l'intérieur de votre voiture en plein cagnard, ni dans votre four, évidemment, ça n'est pas adapté. Le numérique, ça s'explique. Vous n'avez pas non plus besoin de le laisser charger en permanence. C'est comme si vous preniez café sur café sur café. Ne branchez votre ordi portable que s'il en a vraiment besoin et éteignez-le quand vous ne l'utilisez pas. Pensez aussi à fermer les logiciels que vous n'utilisez plus, justement. Ça lui demandera moins d'efforts. Je confirme. Ah, on est d'accord, Paul. Enfin, essayez aussi de faire ces mises à jour régulièrement. Je sais, il y en a toutes les deux secondes, mais ça permet d'augmenter la sécurité de votre ordinateur. Avec tout ça, si votre ordi ne tient pas 10 ans, on ira rouspéter auprès des fabricants. Dans un instant, votre 100% rugby démarre avec une première partie consacrée à la Coupe du Monde avec un invité prestigieux qui vient nous parler de rugby, lui le foot, Bichente Lizarazu. On parlera aussi économie avec l'équipementier du 15 de France, le patron du coq sportif dans la première partie de votre 100% rugby. France Bleu La Rochelle, la radio du rugby. MMA, business entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu La Rochelle. Et ici, en Charente-Maritime, une belle soirée qui s'annonce avec vous. Merci d'être là. Il est 18h. De la pluie et des éclaircies pour demain. Mathieu complète après votre journal. Céline Lacosta, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Deux Charentais impliqués dans un important trafic de drogue. Les deux trentenaires originaires d'Angoulême ont été arrêtés ce week-end au Pays Basque, de retour d'Espagne avec une grosse cargaison de drogue dans leur voiture. Les deux Charentais ont été interpellés, information révélée par nos confrères de la Charente Libre et confirmée par France Bleu. Mathéo Rondeau, bonsoir, on parle là d'une saisie record. En effet, 400 kilos de résine de cannabis, 68 kilos d'herbe, 23 kilos de kétamine, soit une quantité de drogue représentant plusieurs millions d'euros. Voilà le détail de cette impressionnante saisie qui concerne donc deux Angoumoisins de 31 ans. Ils ont été interpellés par la douane à la frontière franco-espagnole au Pays Basque alors qu'ils tentaient de rejoindre la Charente. Les deux individus ont depuis été placés en garde à vue puis remis aux enquêteurs de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant à Bordeaux. L'un d'entre eux s'est déjà fait connaître pour des faits de trafic de stupéfiants, mais aussi d'homicide involontaire et de homejacking. Depuis le début de la semaine, des perquisitions ont eu lieu à Angoulême, dans le quartier de Basso, en lien avec cette affaire. La précision de Mathéo Rondeau, merci. Les captations d'eau temporairement suspendues dans la plaine de Nice, c'est la réponse de l'agglomération rochelaise après la détection de résidus d'un pesticide dans l'eau potable. Les taux sont élevés dans ce secteur, mais pas encore dangereux. L'agglomération cherche avant tout à rassurer l'eau reste potable. Un 49-3, une motion de censure comme un air de déjà-vu à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est la 13e fois qu'Elisabeth Borne engage la responsabilité de son gouvernement. Cette fois, c'est sur la partie recette du projet de budget 2024. Le texte est donc adopté sans vote. Réaction immédiate du camp insoumis. Le groupe parlementaire dépose une motion de censure. Le Rassemblement national va aussi déposer sa propre motion dans la foulée. Des annonces sur le pouvoir d'achat aujourd'hui. Le gouvernement va élargir le prêt à taux zéro. À partir du 1er janvier, les habitants de 12 communes de Charente-Maritime auront des conditions plus avantageuses, notamment La Rochelle, La Tremblade, Étré, Vaux-sur-Mer. On vous a mis la liste complète des communes concernées sur francebleu.fr. Le château de Versailles et 9 aéroports régionaux évacués aujourd'hui. Et les fausses alertes à la bombe et fausses menaces d'attentats s'enchaînent ces derniers jours. Phénomène loin d'être nouveau, mais qui, dans ce contexte de vigilance maximale, augmente les tensions. D'autant plus qu'à chaque fois, de nombreuses forces de police sont mobilisées. Aurélien Tirard.